La secte Ahbash. Question. Que pense l'islam de la secte dite Ahbash? Quelle doit être notre attitude à leur égard? Quelles sont leurs erreurs en matière de dogme? Louange à Allah seul, bénédiction et salut, sur le sceau des prophètes et sur sa famille et sur ses compagnons. La secte Ahbash du Liban et de son chef nommé Abdullah al-Habashi. La secte possède des associations actives dans certains pays d'Europe, d'Amérique et en Australie. Premièrement, il a été rapporté de façon sûre dans les deux sahih un hadith d'Ibn Mas'ud selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure génération est la mienne, puis ceux qui les suivront, puis ceux qui les suivront. » D'autres versions existent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit encore « Je vous recommande la crainte d'Allah, l'écoute et l'obéissance, même si vous aviez un esclave pour chef, car celui d'entre vous qui vivra longtemps verra des divergences. Attachez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés. » Mordez-y avec vos canines, tenez-y fortement et méfiez-vous des pratiques innovées. En effet, toute innovation est une aberration, rapportée par Ahmed Abu Daoud al-Tirmidhi et déclarée par ce dernier, beau et authentique. Les meilleures générations que voilà possédaient des qualités qui les ont distinguées et leur ont permis de surpasser les autres. Parmi ces qualités et caractéristiques, citons celles-ci. Appliquer le Coran et la Sunna à toutes les affaires. Les préférer à la parole de qui que ce soit. Avoir une bonne compréhension de toutes les affaires. Comprendre les textes des deux révélations à la lumière des règles de la religion et de la langue arabe. Accepter toute la sharia, y compris ses aspects généraux et ses composantes partielles. Interpréter les textes ambigus à la lumière des textes clairs. C'est pourquoi ils ont maintenu la sharia et l'ont appliquée, et s'y sont accrochés et n'y ont rien ajouté et n'en ont rien omis. Comment auraient-ils pu ajouter des éléments à la religion ? Ou en enlever des parties tout en étant accrochés au texte infaillible. Deuxièmement, il est venu après eux les premières générations, des gens au sein desquels innovations blâmables et pratiques religieuses inventées se sont proliférées, des gens dont chacun n'apprécie que sa propre opinion. Il en a résulté l'abandon des textes religieux et leur interprétation de manière à les adapter aux passions et tendances. Cela a abouti à une opposition aux messagers fidèles, un engagement dans un chemin autre que celui des croyants. Or Allah le transcendant a dit, et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Sourate 4, verset 115. Une des manifestations de la grâce divine réservée à la Ummah est qu'il lui affecte à chaque époque des érudits confirmés qui combattent toute innovation, qui déforme la beauté de la religion, altère sa limpidité, brouille la sunna ou l'écrase. C'est une réalisation de la promesse qu'Allah a faite concernant la préservation de sa religion et de sa loi. C'est qu'il a dit en ces termes, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate 15, verset 9. C'est aussi ce que dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sûr, rapporté dans les recueils authentiques, dans les Musnad et ailleurs. Une partie de ma communauté ne cessera de se conformer à l'ordre d'Allah, le puissant et majestueux. Celui qui s'abstiendra de les soutenir ou s'opposera à eux ne les nuira pas et ils resteront attachés à l'ordre d'Allah et triompheront des autres. Le hadith est rapporté selon d'autres versions. Troisièmement, au cours du dernier quart du XIVe siècle de l'Égypte, une secte fit son apparition sous la direction d'Abdullah al-Habashi. Cet immigré éthiopien s'installa en Syrie pour y propager sa secte égarée. Après des pérégrinations dans la religion, il se fixa au Liban, où il se mit à prêcher pour sa secte, multiplia le nombre de ses adeptes et diffusa sa pensée. Celle-ci est un mélange composé de croyances des Jahmites et de celles des Mu'tazilites, de celles des adorateurs des tombes et de celles des soufis. Il les défendait avec un esprit partisan, engageait des débats à cet effet et faisait imprimer des livres et des journaux dans ce but. Celui qui examine les écrits et publications de la secte comprend clairement qu'elle s'écarte de la communauté musulmane fidèle à la sunna. Parmi leurs fausses croyances, nous citons à titre d'exemple 1. Leur approche de la question de la foi reprend la conception détestable des murji'a, gens qui séparaient la foi de la pratique. Il est bien connu que le credo musulman qui a animé les compagnons et leurs successeurs immédiats et ceux qui les ont suivis jusqu'à nos jours, veut que la foi consiste en une profession verbale, une adhésion du cœur intime et une pratique menée par les organes. L'adhésion intime doit se traduire par la soumission et l'acceptation de la foi purifiée. Sans cela, la prétendue foi n'est pas authentique. Il existe de nombreuses citations reçues des ancêtres pieux pour confirmer cette conception de la foi. En font partie ces propos de l'imam Shafi'i, puis Allah le Très-Haut lui a accordé sa miséricorde. Un consensus s'était dégagé au sein des compagnons, de leurs successeurs, de ceux qui les ont suivis et de ceux que nous avons rencontrés. Ce consensus leur faisait dire que la foi consistait en une parole et une intention et des actions, qu'aucune des trois composantes ne pouvait tenir lieu des autres. 2. Ils autorisent qu'on implore le secours, la protection et l'assistance des morts et qu'on les invoque en dehors d'Allah le Très-Haut, ce qui constitue un associationnisme shirk majeur, selon le texte du Coran, la Sunna et le consensus des musulmans. Ce shirk est le fondement de la religion des polythéistes anciens, les infidèles Quraishites et d'autres. Allah, le transcendant, a dit à leur propos: ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et disent: ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Sourate 10, verset 18. Et adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Sourate 39, verset 2-3. Et dit: qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer? Vous l'invoquez humblement et en secret. S'il nous délivre de ceci, nous serons du nombre des reconnaissants. Dit: c'est Allah qui vous en délivre, ainsi que de toute angoisse. Pourtant, vous lui donnez des associés. Sourate 6, verset 63-64. Et les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Sourate 72, verset 18. Et tel est Allah votre Seigneur. À lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Sourate 35, verset 13-14. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation, c'est l'adoration, cité par les auteurs de Sunan sur la base d'une chaîne authentique de rapporteurs. De nombreux versets et hadiths abondent dans ces sens et indiquent que les polythéistes anciens savent qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur de subsistance, l'utile et le nuisant. Mais ils adoraient leur divinité pour obtenir leur intercession auprès d'Allah et de se rapprocher à lui davantage grâce à elle. Pourtant, Allah les a déclarés mécréants et polythéistes et a donné à son messager l'ordre de les combattre jusqu'à ce que le culte fût rendu à Allah seul. C'est ce que le transcendant dit ainsi: et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Sourate 8, verset 39. Des ulamas ont écrit beaucoup de livres et y ont expliqué la réalité de l'islam qu'Allah avait chargé ses messagers de transmettre et pour laquelle il a révélé ses livres. Ces ulamas ont expliqué la religion des païens, leurs croyances et leurs actions contraires à la loi d'Allah. Parmi les meilleurs écrits figurent ceux très nombreux de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmahullah, notamment son livre très succinct intitulé « Qa'id al-Jalila fit tawassul wal-wasila », une importante règle pour connaître l'intercession et l'intercédent. 3. Selon eux, le Coran n'est pas réellement la parole d'Allah. Il est connu grâce au texte du Coran et à la Sunna et au consensus des musulmans qu'Allah parle comme il le veut et de la manière qui convienne à sa majesté et sa transcendance et que le Saint-Coran, ses lettres et son sens est la vraie parole d'Allah. En effet, Allah le Très-Haut a dit: et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Sourate 9, verset 6. Et dit: Allah a parlé à Moïse de vive voix. Sourate 4, verset 164. Et dit: et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Sourate 6, verset 115. Et dit: eh bien, espérez-vous, musulmans, que des pareils gens, les juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Sourate 2, verset 75. Dit: jamais vous ne nous suivrez. Ainsi Allah a déjà annoncé. Sourate 48, verset 15. Les nombreux versets allant dans ce sens sont bien connus. Le concordant citation reçue des ancêtres pieux corrobore cette conception de la foi qui s'exprime dans les textes du Coran et la Sunna. Louange et reconnaissance appartiennent à Allah. 4. Ils pensent qu'il faut trouver une interprétation allégorique aux textes du Coran et de la Sunna traitant des attributs d'Allah, le puissant et majestueux. ce qui viole le consensus adopté par les musulmans depuis l'époque des compagnons et leurs successeurs, immédiat jusqu'à nos jours. En effet, ceux-ci croyaient qu'il fallait accepter le sens apparent de ces textes relatifs aux noms et attributs divins, sans les modifier, sans les vider de leur sens, sans en préciser la modalité, ni les comparer à ceux des humains. En outre, ils croyaient que rien n'était comme Allah, l'audient, le clairvoyant. Ils ne niaient pas les attributs qu'Allah s'est donnés, et ne détournaient pas les mots de leur sens, et ne donnaient pas un sens blasphématoire à ces noms et signes, et ne prétendaient pas en connaître les modalités, et ne les comparaient pas à ceux de ces créatures, car Allah n'a ni homonyme, ni égal, ni pareil. L'imam Shafi'i, puisse Allah le Très-Haut lui accorder sa miséricorde, a dit: « Je crois en Allah et à tout ce qui vient d'Allah, selon le sens voulu par Allah. Je crois au messager d'Allah et à ce qui vient de lui, selon le sens voulu par lui. » L'imam Ahmed, puisse Allah le Très-Haut lui accorder sa miséricorde, a dit: « Nous y croyons et y adhérons, et ne rejetons pas le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ne décrivons pas Allah autrement qu'il s'est décrit lui-même. » 5. L'une de leurs fausses croyances consiste à nier la transcendance d'Allah par rapport à sa créature. Le dogme musulman fondé sur des versets décisifs, sur des hadiths prophétiques, sur la saine nature et sur la raison stipule qu'Allah, le majestueux, est au-dessus de sa créature, installé sur son trône, où rien des affaires de ses serviteurs ne lui échappe. Allah le Très-Haut a dit: « Et puis il s'est installé sur le trône, à cet endroit de son livre. » Il a dit: « Vers lui monte la parole. » Et il élève haut la bonne action. Sourate 35, verset 10. Et il dit: et il est le très haut, le très grand. Sourate 2, verset 255. Et il a dit: glorifie le nom de ton Seigneur, le très haut. Sourate 87, verset 1. Et a dit: et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Sourate 16, verset 49. Et d'autres saints versets. Beaucoup de hadiths authentiques ont été rapportés d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en est le récit de l'ascension, objet de version concordance, pendant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam traversa ciel après ciel, puis arriva auprès de son maître très haut. Celui-ci le rapprocha ou l'appela et lui prescrit 50 prières, et il effectua des va-et-vient entre son maître, le très haut, et Moïse. Il redescendait de chez son maître, puis retrouvait Moïse, et celui-ci l'interrogeait sur ce qui lui avait été prescrit. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informait, il lui disait de retourner à son maître pour solliciter un allégement, et il le faisait. Parmi les hadiths figure celui cité dans les deux sahihs d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, selon lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: après avoir créé la créature, Allah a écrit dans un registre conservé chez lui: certes, ma miséricorde précède ma colère. Et il est encore rapporté dans les deux sahihs d'après Abu Sa'id al-Khudri que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne me faites-vous pas confiance, bien que je sois le confident de celui qui est au ciel? Selon le sahih d'Ibn Khuzaïma et les sunan d'Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le trône est au-dessus de l'eau et Allah est au-dessus du trône et il connaît votre état. On trouve dans le sahih de Muslim l'histoire de l'esclave à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: où est Allah? Elle répondit: il est au ciel. Qui suis-je? Tu es le messager d'Allah. Libère-la, car elle est une croyante, conclut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce dogme pur qui a animé les musulmans depuis les compagnons et leurs successeurs immédiats jusqu'à nos jours. Allah soit loué. Compte tenu de l'importance de cette question et la grande qualité des arguments qui s'y rapportent et qui dépassent 1000 arguments, certains ulama lui ont consacré des ouvrages. C'est le cas d'Al-Hafid Abdullah Zahabi et Hafid Ibn Qayyim. 6. Ils tiennent à l'égard de certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam des propos désobligeants. C'est ainsi qu'ils traitent Muawiya radiyallahu anhu de dévoyé. Ils ressemblent en cela aux Rafidites, puisse Allah les rendre laids. Les musulmans doivent s'abstenir d'évoquer les différends qui opposèrent les compagnons radiyallahu anhum, et considérer que tous les compagnons étaient vertueux et avaient le privilège d'avoir accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, il a été rapporté de façon sûre que celui-ci a dit: n'insultez pas mes compagnons, car même si l'un de vous dépensait l'équivalent du mont Uhud en or, il ne serait pas proche d'égaler l'un d'eux en mérite. Rapporté par le Bukhari Muslim. Allah le Très-Haut et majestueux a dit: et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant: Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Sourate 59, verset 10. Les membres de la communauté des sunnites ont toujours nourri à travers les siècles une croyance saine à l'endroit des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi, rahmahullah, a dit à propos de la croyance adoptée par l'ensemble de la communauté des sunnites. Nous aimons tous les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au même degré, et nous ne désavouons aucun d'entre eux, et nous détestons ceux qui les haïssent et disent d'eux autre chose que du bien, et nous ne disons d'eux que du bien. Nourrir leur amour est un acte de foi et de bienfaisance. Les haïr relèvent de l'hypocrisie, de la mécréance et de la tyrannie. Quatrièmement, on reproche à cette secte l'extravagance qui caractérise leur avis religieux et leur opposition flagrante avec les textes religieux du Coran et de la Sunna. Voici des exemples. Les membres de la secte autorisent la pratique des jeux d'hasard avec les infidèles afin de s'emparer de leurs biens. Ils autorisent le vol de leur culture et de leurs animaux, à moins que le vol ne conduise à des troubles. Ils autorisent la pratique de l'usure dans les rapports avec les infidèles et l'usage des billets de loterie en cas de nécessité. Une autre violation flagrante de la loi consiste à permettre qu'on regarde une femme étrangère à travers un miroir ou à l'écran, même si le regardant désirait la personne regardée. Ils soutiennent qu'il n'est pas interdit de fixer son regard durablement sur une femme étrangère, et que le fait qu'un homme regarde le corps d'une femme n'est pas interdit, et que la sortie de chez elle d'une femme bien parfumée et animée par le désir d'impressionner les hommes n'est pas interdite, et qu'il est permis à des hommes des deux sexes de se mêler les uns des autres, entre autres avis extravagants et stupides, parce que contraire à la charia et visant à rendre licites les péchés majeurs. Nous demandons à Allah de nous mettre à l'abri de ce qui provoque son mécontentement et son châtiment. Cinquièmement, ils ont recouru à des méthodes indécentes pour détourner les gens des ulamas confirmés de la Oumma, les amener à lire leurs propres livres et à admettre leurs citations. Ces méthodes consistent à insulter les dits ulamas, à les abaisser, voire les déclarer mécréants. À la tête des ulamas ainsi traités par eux figure l'imam, le réformateur, Shir al-Islam, Abu al-Abbas, Ahmed, Ibn Abd al-Halim, Ibn Abd al-Salam, Ibn Taymiyyah, rahmahullah. Le nommé Abdullah al-Habashi est même allé jusqu'à consacrer un livre à cet imam réformateur pour le traiter d'égaré et lui attribuer des propos qu'il n'a pas dit. Il s'est livré au mensonge et Allah s'occupera de lui, car c'est auprès d'Allah que les adversaires finiront pour se retrouver. C'est de la même manière qu'il dénigre l'imam le réformateur, Sheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab rahmahullah, et son appel à la réforme religieuse lancé à partir du centre de la péninsule arabique. Ce shir appela les gens à professer l'unicité absolue d'Allah et à abandonner tout associationnisme à son égard, à traduire leur vénération des textes du Coran et de la Sunna par leur application, à faire revivre les pratiques fondées sur la Sunna, à faire disparaître les innovations. C'est pourquoi Allah ressuscita grâce à lui les pratiques religieuses tombées en désuétude et fit disparaître des innovations religieuses et des pratiques inventées dans la religion. Et son appel se propagea par la grâce d'Allah et sa bienveillance dans toutes les contrées du monde musulman, et Allah a guidé beaucoup de gens grâce à cet appel. Les membres de cette secte n'ont rien d'autre à faire que de cibler cet appel sublime et ses tenants. Ils ont inventé des mensonges et fait circuler de fausses objections et nié son objet constitué d'une invite claire à l'application du livre de la Sunna. Et ils ont fait tout cela pour détourner les gens de la vérité et les dévier de la voie droite. À Allah ne plaise. Il est indubitable que la haine que cette secte voue à cette élite bénie des ulamas de la Oumma révèle ce que le cœur de ses membres renferme en fait de haine et de jalousie envers tout homme qui reste attaché aux croyances et aux pratiques perpétuées par les meilleures générations musulmanes. Ces sectaires sont bien éloignés de la réalité de l'islam, de son essence. Sixièmement, compte tenu de ce qui est mentionné ci-dessus, et d'éléments non mentionnés. 1. La communauté Ahbash est une secte égarée étrangère à la communauté musulmane des fidèles à la Sunna, et qu'elle, la secte, doit retourner à la vérité qui animait les compagnons et leurs successeurs immédiats pour l'appliquer dans tous les domaines de la religion, notamment en matière d'action et de croyance, car c'est mieux pour eux et plus durable. 2. Il n'est pas permis d'adopter les avis de cette communauté parce que ses membres se permettent de pratiquer la religion sur la base d'opinions extravagantes, voire contraires aux textes du Coran et de la Sunna, et parce qu'ils adoptent de fausses opinions très écartées de textes religieux, ce qui excluent la possibilité de faire confiance à leurs avis religieux et de compter sur eux. 3. On ne peut pas compter sur ce qu'ils disent à propos des hadiths prophétiques, que cela concerne leur chaîne de transmission ou leur sens. 4. Les musulmans doivent bien se méfier de cette secte égarée afin de ne pas tomber dans ses filets. Quels que soient les noms et slogans employés par elle, ils doivent donner des conseils à ces adeptes trompés et leur expliquer la fausseté de leurs idées et croyances. Ayant pris cette résolution bien expliquée, la commission demande à Allah, le transcendant, à l'aide de ses plus beaux noms et de ses plus sublimes attributs, d'éviter aux musulmans les troubles apparents et latents, de guider les musulmans égarés, d'améliorer leurs conditions de vie, de retourner les stratagèmes des ruseurs contre eux-mêmes et d'épargner leurs maux aux musulmans, car il est omnipotent et digne d'exaucer les prières. Puisse Allah bénir et saluer notre prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et ceux qui l'auront bien suivi.